Le silence, le calme, se dit Die Ruhe. Ruhe s'écrit R majuscule UHE. En allemand, tous les noms prennent une majuscule. Vous aurez sans doute l'occasion d'entendre l'expression Ruhe bitte, qui signifie silence, s'il vous plaît. Ruhe bitte. C'est très calme, se dit Es ist sehr ruhig. Ruhig. Ruhig, ça s'écrit R-U-H-I-G. Es ist sehr ruhig hier. C'est très calme ici. Et se reposer, se détendre, se dit sich ausruhen, qui vient là aussi du nom die Ruhe, le silence, le calme. Donc, le verbe se reposer, c'est sich ausruhen. Donc, je me reposerai, je vais me reposer, ça sera ich. Ich werde mich ausruhen. Ich werde mich ausruhen. À la différence du verbe français se reposer, pour plonger dans le passé du verbe sich ausruhen, il vous faut partir du plongeoir avoir. Donc, pour dire je me suis très bien reposé, vous direz je m'ai très bien reposé. Ou reposer se dit ausgeruht. Comment diriez-vous je me suis très bien reposé? Ich habe mich sehr gut ausgeruht. Très bien. Ich habe mich sehr gut ausgeruht. Comment diriez-vous vous devez vous reposer? Sie sollen sich ausruhen. Bien. Sie sollen sich ausruhen. Oui. Et vous devriez vous reposer? Sie sollten sich ausruhen. Bien. Sie sollten sich ausruhen. On doit se reposer, se dira man. Man muss. Pour dire il faut, en allemand on dit souvent on doit. Donc pour il faut se reposer, on dira on doit se reposer, c'est-à-dire man muss sich ausruhen. Man muss sich ausruhen. Manchmal veut dire parfois. Donc pour on doit parfois se reposer, on dira man. Man muss sich manchmal ausruhen. Bien. Man muss sich manchmal ausruhen. Et comment diriez-vous la même chose, mais en commençant par manchmal? Manchmal. Et maintenant, il faut inverser le sujet et le verbe. Manchmal muss man. Très bien. Manchmal occupe la première position dans la phrase. Donc, c'est le verbe qui doit venir immédiatement après. Car encore une fois, l'allemand aime placer le verbe en deuxième position dans la phrase. Il faut donc inverser le verbe et son sujet et dire manchmal muss man sich ausruhen. Bien. Manchmal muss man sich ausruhen. Comment demanderiez-vous à quelqu'un avez-vous bien dormi? Dormir se dit schlafen. Schlafen qui s'écrit S-C-H-L-A-F-E-N. Schlafen. Et quand on plonge dans le passé de schlafen, on trouve geschlafen. Geschlafen. Donc, avez-vous bien dormi? Haben Sie gut geschlafen? Geschlafen. Bien. Schlafen donne geschlafen lorsque vous plongez dans le passé. Haben Sie gut geschlafen? Et j'ai très bien dormi se dira ich. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe sehr gut geschlafen. Bien. Et maintenant, comment diriez-vous on peut le comprendre parfois? Man kann es manchmal verstehen. Bien. Man kann es manchmal verstehen. Mais parfois, on ne peut pas le comprendre. Aber manchmal. Manchmal. Kann man. Kann man. Manchmal kann man. Oui, tout à fait. Après manchmal placé en première position, vous avez bien inversé sujet et verbe. Donc, aber manchmal kann man es. kann man es nicht verstehen. Bien, aber manchmal kann man es nicht verstehen. Comment diriez-vous « je n'ai pas compris ce que vous avez dit » ? Pour plonger dans le passé de « verstehen », »,« comprendre », vous allez avoir besoin du plongeoir « haben ». Et de là, vous plongerez dans « verstanden ». Verstanden. Donc, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Ich habe. Pas compris. Ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Ce que vous avez dit. Ce que c'est was. Et la phrase qui suit was a la même construction que les phrases introduites par weil. Donc, ce que vous avez dit se dira. Was. Sie gesagt haben. Oui, très bien. Ich habe nicht verstanden, ce que vous avez dit, was Sie gesagt haben. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vouloir dire en allemand se traduit par un seul mot, c'est le verbe meinen. Meinen, M-E-I-N-E-N. Meinen. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, ça donnera Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ce que vous voulez dire. Was Sie meinen. Et donc, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Oui. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. D'accord. Et comment demander à quelqu'un que voulez-vous dire? Was meinen Sie? Was meinen Sie? Oui. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Que veut-il dire? Was will er sagen? Non, vous n'avez pas besoin du verbe wollen pour traduire vouloir dire. En allemand, vouloir dire, c'est le verbe meinen. Donc, comment diriez-vous? Que veut-il dire? Was meint er? Bien. Was meint er? Was meint er?